Je suis un classique pas encore classé. Classique pour entrer dans la durée. Et pourtant, j'ai la classe même bourrée. Un classique est souvent cité. Moi on écrit, j'ai pas beaucoup brillé. Et pourtant, je suis le classique de l'été. Même si je fais partie de la classe du passé. Je suis le seul classique branché. Un classique passe à la postérité. Moi je passe et ne fais que passer. Et pourtant, j'avais tellement plein d'idées. Le classique est aussi beaucoup dansé. Moi en dansant je ne faisais que tomber. Et pourtant, j'étais vraiment bien motivé. Mais je suis quand même un classique obsédé. Je suis le seul classique branché. Le classique fait autorité en pensée. Moi mes pensées c'est dur à expliquer. Et pourtant, ces pensées je les ai bien pensées. Un classique est plutôt romantique. Moi Rome je la vois pas comme antique. Et pourtant, tous mes tocs c'est pas mythique. Je suis quand même obsédé par la classe du passé. Je suis le seul classique branché. Être classique, c'est le plus classique. Ah. Moi je suis pas banal parce que je suis classique. Et pourtant, j'ai pas la classe des grands classiques. Et même si je fais partie de la classe archaïque, je reste le seul classique branché chic.